Chapitre 9e, les cheveux morts. Comme toujours après une rencontre sérieuse avec Paulin Broquet, les aides et leur chef Zigomar se tenaient pendant quelque temps tranquilles, s'éparpillaient, allaient au loin panser leurs blessures, disparaissaient. Seuls, chez Clafou, revenaient quelques affiliés aux aides, mais des hommes, certainement de grade inférieur, qui attendaient là les ordres nouveaux, les renseignements qu'on leur ferait passer. Les chefs, ailleurs, on ne savait où, tenaient leur réunion dans le plus absolu secret cette fois. Après l'explosion de la Barbotière, après l'aventure de la paisible maison de Zulma, des bons époux Mélidon, Zigomar avait trouvé un nouveau repère. Le caveau de la Baleine, dans la rue Jeunasse, avait révélé la terreur d'Ornano. Paulin Broquet n'avait pas eu le temps de pouvoir vérifier le fait, mais il se promettait d'aller voir du côté de la barrière d'Italie ces jours-ci. Car Paulin Broquet savait que Zigomar, fortement touché dans la dernière rencontre, devait chercher à prendre une revanche formidable, éclatante. Paulin Broquet ne voulait pas perdre son temps en démarches vaines. Il attendait que Zigomar ait pu préparer son attaque pour aller au-devant du coup que le bandit lui destinait et combattre non dans l'incertain, mais en toute connaissance de cause. Paulin Broquet, nous le savons, ne suivait pas la méthode policière un peu démodée, des conjectures, des suppositions. Il ne courait pas après des probabilités ou des déductions dont le point de départ pouvait être faux, quoique très logique en apparence. Il n'avançait que sur une donnée certaine, quand l'ennemi s'était découvert. De la sorte, si au début il semblait perdre un peu de temps, il ne se voyait pas par la suite dans l'obligation du bifurquer et il parvenait à marcher beaucoup plus vite. Sa méthode, un peu spéciale, allait à son tempérament, elle lui réussissait, il s'y tenait. En ce moment, il savait que fatalement les Zigomars allaient se venger de l'échec qu'il leur avait fait subir. Il attendait cette vengeance, et il se garait, se gardait, se tenait sans cesse en éveil, prêt à la défense, à la riposte immédiate. Ces hommes de même, admirablement entraînés et fiers des succès du chef, se sentaient disposés à accomplir pour lui, avec lui, les hauts faits les plus extraordinaires. Sachant également que les aides voulaient leur revanche, il veillait autour du chef incessamment et formait autour de lui une campagne de gardes du corps, jaloux de leur souverain, et l'aimant, l'admirant, comme jamais monarque ne put se vanter d'en posséder une meilleure. Aussi Paulin Broquet, persuadé que les aides s'étaient rendus compte de cela, et avait vu qu'il ne pouvait arriver jusqu'à lui, pensa que Zigomar avait, dans son dépit, dans sa rage, poussé par le besoin de vengeance, fait retomber sa colère sur la femme rousse. Parlant de cela avec ses lieutenants, Paulin Broquet leur dit « Qui est cette femme? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Quel est son but? Nous ne le savons pas. Pourquoi est-elle entrée dans l'arène? Quelle raison la pousse du côté de Paulin Broquet et l'attire en même temps du côté de Zigomar? Nous ne pouvons le deviner. Nous l'avons trouvée sur notre route. Moi le premier, j'ai, je puis le dire, eu le bonheur de rencontrer sa main. Puis toi, la morse. Au château de Briaille, nous l'apercevons. » À Orléans, sur la route, en automobile, après l'exécution du comte de Marnay. Mais nous la voyons chez Clafou, cherchant à connaître les aides, à approcher de Zigomar. Pourquoi? Impossible de le pressentir. Le mystère qui entoure cette admirable femme rousse demeure pour nous, quant à présent, absolument impénétrable. C'est exact, chef, dit la morse. Comme vous m'en aviez chargé, j'ai fouillé tout Paris, j'ai cherché partout pour retrouver la femme rousse. Savoir où elle demeurait, mangeait, vivait enfin. Je n'ai pu trouver le moindre indice. Cependant, elle a des autos, elle a des chevaux, un personnel nombreux, un grand train de maison. Oui, chef. Mais pas moyen de rien savoir. Si la femme rousse n'était pas si belle, si jeune, si resplendissante de charme, de grâce, je dirais que la femme rousse est une sorcière, qu'elle habite une maison enchantée et que, quand cela lui est nécessaire, d'un coup de baguette, elle fait disparaître son auto, ses chevaux. Et te dépose, toi, sur un banc. Endormie, comme dans un conte également. C'est une fée, chef. La femme rousse est une fée aux cheveux d'or. Paulin Broquet sourit, puis reprit. Mais la femme rousse a délivré Paulin Broquet, fatalement condamné à périr dans le grenier de Zulma. Grâce à la femme rousse, Paulin Broquet, sauvé, a pu arrêter le comte de Marnay dans son infâme travail, détruire l'œuvre criminelle des moustiques porteurs de mort, et déjouer les combinaisons de Thorntwig et de son ami Zigomar. Oui, chef. Grâce à la femme rousse, enfin, Paulin Broquet, qu'il faut décidément tuer plusieurs fois, Paulin Broquet, encore vivant, a fait manquer l'affaire du coffre-fort du baron Vancambre, cependant admirablement préparé. Cette fois, chef, les aides ont fameusement été touchées. Ils ne peuvent me le pardonner. Zygomar a besoin de remonter son prestige, de montrer sa puissance, et c'est certainement à défaut de pouvoir le faire sur moi, sur vous, mes amis, sur un de mes hommes. C'est sur cette femme rousse que la colère de Zygomar s'appesantit. « Chef, vous avez raison, » dit Gabriel, « et tout nous en donne la preuve dès maintenant. » La femme rousse se doutait d'ailleurs du danger qu'elle courait puisqu'elle se faisait escorter par la terreur d'Ornano. Et les aides nous le certifient puisqu'ils ont, le soir où la femme rousse est apparue chez Clafou, ils ont essayé de la prendre. Ce n'était certainement pas pour sa radieuse beauté, mais plutôt pour dès ce soir la punir d'avoir sauvé Paulin Broquet. Dès ce soir, Zygomar pensait à se venger. Aussi, Paulin Broquet, ayant la conviction que la femme rousse devait tomber sous le coup de la justice atroce de Zygomar, fut-il, en même temps que ses deux lieutenants, fortement impressionné en apercevant sur la table de l'amphithéâtre de la morgue cette tête coupée, affreusement mutilée. Tous trois, en même temps, poussèrent ce cri d'épouvante, de douloureuse compassion, « La femme rousse !» La tête, que le garçon de salle avait déposée sur le marbre, s'entourait dans son horreur d'un cadre de cheveux d'or. La femme rousse avait une toison si abondante que quelques soins qu'elle prit pour la dissimuler sous une casquette, sous une perruque, toujours une torsade dorée s'échappait et la trahissait dans un reflet de soleil. Ici la tête n'avait que des cheveux courts très fins, abondants, mais ne devant en réalité arriver qu'à peine aux épaules. Ils étaient, ces pauvres cheveux, collés au crâne, plaqués, retenus par la glace. Et leur blondeur, qui au jour voulait quand même éclater, s'alliait douloureusement à ce sinistre sourire des lèvres tailladées et montrant des dents éblouissantes. C'était un tableau cruel, navrant et d'une épouvante spéciale. Faites moins d'effroi et de dégoût que de pitié et de regret. Cette femme était jeune, cette femme était assurément belle. Elle était morte, assassinée, cela se comprenait encore. Une grande beauté de femme ne va pas sans amour fou, et l'amour attire la colère comme le couteau dans les mains qu'il chargeait de caresses. Le baiser a pour frère le coup d'épée ou le coup de poignard. Mais pourquoi avoir mutilé cette tête de femme et commis cette odieuse profanation? La seule raison possible à donner à ce sacrilège était le besoin de rendre cette femme méconnaissable. Mais Paulin Broquet, dit tout bas ses lieutenants qui certainement avaient la même pensée que lui, c'était inutile, puisque personne ne sait qui est cette femme. Très juste, chef. À quoi bon doubler le mystère de la femme rousse? Donc, il y a une autre raison. Paulin Broquet, ayant pendant ces quelques minutes d'angoisse laissé parler son cœur d'homme, et autour de cette sinistre table de marbre, comme devant un cercueil, versé sa pitié, maintenant se reprenait. Il redevenait le détective, l'auxiliaire de la justice. Cette tête de femme n'allait plus être pour lui que comme la sinistre donnée d'un problème nouveau à résoudre. Paulin Broquet se pencha sur la table. Il prit la tête coupée dans ses mains et l'examina longuement. Il essaya d'ouvrir les paupières pour voir la couleur des yeux, mais les paupières figées par la glace ne se relevaient pas. Elles tenaient à garder leur secret, à ne pas dire si elles renfermaient comme en un écrin douloureux des améthystes ou des diamants noirs défunts. Elles avaient la suprême coquetterie de ne pas montrer des pierres précieuses qui seraient mortes. Paulin Broquet laissa donc pieusement les paupières closes. Mais il prit une mèche de cheveux qui dépassait dans un repli de glace. Il chauffa cette mèche dans ses doigts et l'examina attentivement quand elle fut dégelée et assoupie. Gabriel, l'amorce, le chef de la sûreté, le regardaient faire sans bouger, sans rien dire. Ils attendaient. Paulin Broquet prit une loupe dans son gousset et examina plus minutieusement encore cette mèche de cheveux. Alors il se releva et, se tournant vers ceux qui le suivaient dans ses mouvements, il dit « J'ai fait, vous le savez, chef, une étude très approfondie des cheveux. Je suis certain que le cheveu serait un précieux auxiliaire pour l'établissement de fiches anthropométriques. Vraiment, c'est bien subtil cela. De même qu'il n'est pas une main, une oreille, un pli des mains qui soit identique chez deux individus, de même il n'est pas deux chevelures qui se ressemblent. Pourquoi voulez-vous qu'un cheveu soit plus subtil, plus délicat qu'une ligne de main? Je vous écoute, mon cher Broquet. La seule question qui se pose en premier est que mon sujet peut devenir chauve, en effet. Mais il peut aussi perdre les mains. Sa fiche, que deviendra-t-elle en ce cas? Écoutez-moi. Les cheveux, chacun sait cela, permettent de reconnaître les races humaines, Les cheveux des nègres ne ressemblent pas à ceux des Hollandais, par exemple, ceux des Japonaises à ceux des Parisiennes, évidemment. Donc, s'il est possible de classer les cheveux par race, on pourrait avec plus de soin les diviser en catégories, comme un herbier. Et voyez quelle variété, que de familles. Les noirs, les bruns, les châtains, les blonds, qui s'étendent à l'infini, les frisés, les ondulés, les plats, les raides, les souples, les fins, les gros, les ronds, les rugueux, et tant d'autres divisions. C'est tout un système que vous inaugurez, mon cher Broquet. C'est un oubli qu'il faut réparer. Mais avec les chauves, comment ferez-vous? Je vous attendais. Les causes de la calvitie sont nombreuses. On les retrouve dans l'état général de l'individu. Donc, elles sont déjà consignées, prévues, sur la fiche. Et la calvitie n'est jamais tellement accentuée que, malgré la modification des cheveux malades, on en retrouve près de la nuque, qui se déplume en dernier. Quelques-uns encore valides et semblables à ceux des années de chevelure intacte. Je m'incline. Paulin Broquet reprit. Ici, chef, ma connaissance des cheveux m'a permis de faire certaines remarques, dont vous allez immédiatement saisir toute l'importance. Allez, mon cher. Cette malheureuse était blonde. Cela se voit d'ailleurs. Non, chef, vous ne le voyez pas. Car ce qui apparaît à vos yeux est un mensonge post-mortem. Le chef de la sûreté sursauta. Vous dites un mensonge après la mort? Parfaitement. Les cheveux d'un blond cendré, très jolis de qualité, de teinte naturelle en leur vivant, ont été passés à l'eau oxygénée après la mort. Qui peut vous faire dire cela? Je le prouverai, c'est facile. La teinture, ou plutôt la décoloration, n'a pas donné le résultat qu'on attendrait d'elle sur une tête vivante, sur un cheveu chaud, qui s'imprégnerait lui-même de liquide, qui aiderait le travail. Ici, chef, c'est aisé à voir. Prenez ma loupe. Voyez cette mèche. Elle n'est qu'irrégulièrement décolorée. La teinte rousse de l'eau oxygénée n'a pu mordre partout. La surface de la mèche est roussâtre. L'intérieur est blanc cendré, c'est très apparent. En effet, dans certains pays, en Italie par exemple, quand une jeune femme meurt, la superstition veut qu'on lui dore les cheveux. Les blondes, paraît-il, entrent plus facilement au paradis. Le créateur, ayant du goût, préfère les blondes. Il a fait Ève blonde. La brune n'est venue qu'après la pomme, quand le diable s'en est mêlé. Les anges sont blonds, les saintes sont blondes, bref, on dore les cheveux des mortes pour qu'elles soient plus agréables à Dieu, et plus facilement admises dans les cortèges des bienheureuses. Or, j'ai eu occasion de voir des cheveux de ces mortes teints, et ils l'étaient comme ceux-ci, superficiellement. Paulin Broquet conclut, « Donc, chef, il faut admettre que les gens qui ont jeté cette tête de telle façon que nous la trouvions aisément, soit dit en passant, ne comptaient pas seulement sur les profanations des traits, mais aussi sur la décoloration des cheveux, pour nous faire chercher davantage, nous induire en erreur. C'est possible, cela. Je dis même qu'ils comptaient surtout sur la décoloration des cheveux et que la mutilation ne vient qu'en seconde ligne. » Le chef de la sûreté écoutait Paulin Broquet avec le plus grand étonnement et le plus anxieux intérêt. Il attendait que le détective révélât encore quelque autre trouvaille ingénieuse qui contribuerait à déchiffrer cette énigme poignante. Mais Paulin Broquet lui dit « J'ai assez fait comme cela, mon professeur de sciences policières appliquées. Pour le moment, je ne peux rien dire d'autre. C'est dommage. Je vous demanderai, chef, de me laisser ici seul. Je vous donnerai tantôt le résultat de mes observations. Ce que je découvre ici, ce que je pressens est tellement grave, tellement inattendu, que j'ai besoin, pour affirmer, au point de vue chirurgical, mes soupçons, du concours d'un médecin. Les médecins légistes vont venir et ils feront le rapport très bien. Mais moi, dans cette affaire, j'ai besoin d'autre chose. Je voudrais avoir avec moi le docteur Robert Montreuil. J'ai maintenant l'habitude de travailler avec lui. Il me seconde admirablement. Faites comme vous voudrez, dit le chef de la sûreté. Vous avez carte blanche, je vous laisse. À tantôt, dans mon cabinet. Parfait, chef. Quand M. Baumier fut sorti, Paulin Broquet dit à l'amorce, il y a près de la porte de la morgue un pseudo camelot. Chef, j'ai vu, répondit l'amorce. C'est un Z, je l'ai reconnu. Nous l'avons vu chez Clafou. Oui, chef. L'homme à la serviette d'avocat également. Tu as tout vu alors? Oui, chef. Bon, mon garçon. Alors va t'arranger pour le filer. Pour lui chercher querelle. Pour enfin le faire arrêter. Ayons cet homme. Compris, chef. Quant à toi, Gabriel, tu vas avec l'auto aller me quérir le docteur Robert, et tu l'amèneras ici tout de suite. Je n'aurai pour le décider qu'à lui annoncer un nouveau et épouvantable coup de zigomar. C'est cela. Allez, mes amis.